Remarque 5, chapitre 14, interférence. On s'intéresse maintenant à décrire ce qu'on observe sur l'écran d'interférence. L'écran, le bicycle à interférence, le bicycle qui a superposition constructive, superposition destructive. Je vais vous dire, la description de la figure. Cette figure, on observe sur elle des franges équidistantes. نفس البعد عن بعضهم لأنه فرانج سومبر وفرانج اوبسكيور ما هيك alternativement اذا on observe des franges alternativement brillantes et sombres équidistantes parallèles aux deux fentes principales sources يعني هنا parallèles على بعضهم parallèles entre elles و parallèles على مين على الفونت سورس لأنه اثنين فونت سورس هن اصلا parallèles اثنين فونت هن بيكونوا parallèles على هاتنين فونت هلا فين هم ما في ضرورة نقول انه parallel entre elles لانه لما بيكونوا هالتاش باري على ال deux fonts F1 و F2 معناتها حيكونوا حتما parallel entre elles. اذا en résumé, on observe une succession de franges alternativement brillantes et sombres, équidistantes et parallèles aux deux fonts sources. هيدا remarque numéro 5 de هيدا الشابتر.